L'apostasie. L'apostasie en arabe, ridda, signifie revenir à la mécréance après avoir eu un islam valable en commettant un facteur d'apostasie. Par contre, s'il s'était converti à l'islam sous la contrainte, puis une fois libre, retourne à sa religion de départ, il n'est pas considéré apostat, car l'islam sous la contrainte n'est pas un islam valable. De même, s'il a été éduqué depuis sa naissance sur le shirk attribué à l'islam, comme les adorateurs de tombes par exemple, et qu'il n'a jamais de sa vie désavoué ce shirk, alors ce n'est pas un apostat, mais un mécréant d'origine. Cheikh Hamad ibn Nasser al-Muhammar dit « Pour ce qui est de celui qui est entré dans la religion de l'islam, puis en sort, ce genre-là sont des apostats, et leur cas ne te pose aucun problème. » Quant à celui qui n'est jamais entré dans l'islam, mais qui a au contraire été atteint par l'appel de l'islam, alors qu'il était sur la mécréance, comme l'adoration des idoles, le statut d'une telle personne est le statut du mécréant d'origine. Car nous ne disons pas d'une telle personne qu'elle est d'origine musulmane, puis que la mécréance a surgi en lui. Nous disons plutôt que ceux qui ont grandi entre les mécréants et ont trouvé leurs parents donner des associés à Allah, ils sont comme leurs parents, comme le prouve le hadith authentique, où il est dit « Ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un masdéen. » Si la religion de ses parents était de donner des associés à Allah et que leurs enfants ont grandi avec ça et ont perpétué cette religion, nous ne disons pas que de telles personnes sont à l'origine des musulmans et que la mécréance a surgi en eux. Nous disons au contraire que ce sont des mécréants d'origine. Les facteurs d'apostasie sont une parole, comme par exemple insulter Allah, invoquer le secours des morts ou des saints, démentir Allah ou le Coran ou la Sunna, un acte, comme par exemple uriner sur le Coran, faire une offrande à une créature, remplacer une loi d'Allah par la loi d'une créature, recourir au jugement d'une loi que celle d'Allah lors des disputes. Quant à la croyance et au doute, ils ne sont pas facteurs d'apostasie, car l'apostasie est un jugement qui ne peut être appliqué sur une personne qu'en fonction de ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, et nul ne connaît le contenu des cœurs si ce n'est Allah. Si une personne tombe dans une croyance ou un doute invalide en l'islam, mais n'en manifeste aucun signe et ne déclare rien de sa croyance extérieurement, il ne sera pas apostat, mais hypocrite. Et il sera jugé musulman par les hommes tant qu'il n'exprime pas sa mécréance par une parole ou un acte. De même, si un musulman dit « je doute de l'islam » ou « je crois qu'Allah est Jésus », il sera jugé apostat, même dans son cœur s'il ne doutait pas ou ne croyait pas ce qu'il dit, mais qu'il le dise pour plaisanter ou dans un but mondain. Sharraf al-Din dit « chapitre du statut de l'apostat qui est celui qui devient mécréant après avoir été musulman majeur, même en plaisantant. Donc quiconque donne un associé à Allah ou renie sa seigneurie ou son unicité ou l'un de ses attributs ou lui attribue une femme ou un enfant ou prétend d'être prophète ou croit celui qui le prétend ou renie un prophète ou un livre d'Allah ou quoi que ce soit de l'un de ses livres ou renie les anges ou renie la résurrection ou insulte Allah ou son messager ou se moque d'Allah ou de ses livres ou de ses messagers. Note, on ne déclare l'apostasie de quelqu'un qu'en fonction de son acte ou de sa parole. Et on ne prend pas en compte l'intention ni la croyance de la personne. Sauf lorsque la situation indique la probabilité d'une erreur ou d'une contrainte. L'apostasie est de deux types. L'apostasie simple, c'est l'apostasie qui ne cause pas de décadence à autrui, ni de sacrilège, ni de guerre contre l'islam ou les musulmans. Exemple, se mettre à adorer les morts ou les monuments, se convertir au christianisme. L'apostasie aggravée, c'est l'apostasie causant la décadence accompagnée de sacrilèges, de ruses, de meurtres ou d'insultes envers Allah ou son messager. La différence entre les deux concerne l'appel à la rétractation, c'est-à-dire inviter l'apostat à revenir à l'islam. Lorsque l'apostat est coupable d'une apostasie simple, il est invité à se rétracter. Et s'il est coupable d'une apostasie aggravée, il est exécuté sur le champ par l'autorité de l'État islamique. Mais s'il se repent avant d'avoir été saisi par les musulmans, il existe alors une divergence entre les juristes à savoir si son repentir est accepté ou non. Comment se déroule la rétractation ? Ibn Abd al-Barr al-Maliki dit, il fut demandé à l'imam Malik, comment les invite-t-on à se rétracter? Il dit, on leur ordonne de renoncer à leurs préceptes, et s'ils refusent alors, ils sont exécutés. Note, l'apostasie n'est jamais causée par une croyance ou une intention, mais uniquement par une parole ou un acte. On ne dit jamais qu'une personne a apostasié car elle a eu l'intention de ceci ou parce qu'elle a cru à cela. Mais on dit qu'une personne a apostasié car elle a dit ceci ou fait cela. Remarque, ceux qui considèrent que la cause d'apostasie est la croyance ou l'intention du cœur sont les murji'a. Point à retenir. L'apostasie est une mécréance survenant après un islam valable. L'apostasie est causée uniquement par des paroles ou des actes, et jamais par une croyance ou une intention. Lorsque la cause d'apostasie est l'idolâtrie, il n'est pas une condition d'apporter des preuves à l'apostat avant de le déclarer apostat. Lorsque la cause d'apostasie est la mécréance, il faudra alors lui présenter les preuves avant de le déclarer apostat, sauf s'il s'agit d'une chose qu'une personne telle que lui ne pouvait ignorer. En principe, l'apostat a droit à un délai pour se rétracter, sauf si son apostasie est aggravée. La peine de l'apostat ne peut être rendue que par l'autorité religieuse de l'État islamique. Les conditions d'apostasie. Dans le droit islamique, la condition en arabe, charte, désigne la norme dont le statut dépend. Si elle n'est pas concrétisée, le statut ne peut exister. Exemple, être saint d'esprit est une condition d'apostasie. Celui qui est fou ne peut être jugé apostat. Mais celui qui est saint d'esprit n'est pas forcément apostat tant qu'il ne commet aucun acte d'apostasie. Une condition d'apostasie désigne donc la norme qui doit être nécessairement existée pour pouvoir décréter l'apostasie de quelqu'un. Les conditions d'apostasie se répartissent donc en deux parties. Le premier, les conditions relatives à l'individu. Il doit être conscient, responsable et libre. Le second, les conditions relatives à l'acte de l'individu, qu'il commette un acte qui a clairement été désigné comme invalidant l'islam par le Coran et la Sunna authentique. Les conditions se rattachant à l'individu. La responsabilité légale, c'est-à-dire qu'il doit être majeur et saint d'esprit, contrairement à un enfant ou un fou, ou inconscient, endormi, ivre, etc. L'intention, c'est-à-dire commettre l'acte délibérément et exprès, contrairement à faire un acte sans faire exprès. Commettre l'acte par choix et librement, contrairement à celui qui est forcé sous la torture ou la menace de mort. Les conditions se rattachant à l'acte. Que l'acte ou la parole de l'individu soit net et précis, indiquant catégoriquement une mécréance. Par contre, s'il dit ou fait quelque chose qui peut être compris de deux manières différentes, un sens mécréant et un sens non mécréant, alors ce n'est pas un acte net et précis, mais c'est un acte probable et confus. Qu'une preuve légale indique clairement qu'il s'agit d'un acte causant l'apostasie, contrairement aux actes qu'aucune preuve n'indique clairement comme un acte causant l'apostasie. Et il faut que le musulman prenne garde à ne pas prendre une autre source que le Coran et la Sunna, selon la compréhension des salafs, pour déterminer l'islam et ce qui s'y oppose, et de s'y référer strictement et scrupuleusement, sans jamais se référer à quoi que ce soit d'autre. L'obligation de se référer strictement au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des salafs, dans le tekfir, et non sur la simple logique. Cheikh Abdullah Abu Bataïn dit, « Et globalement, il faut que celui qui est sincère envers lui-même ne se prononce pas dans ce sujet, le tekfir, sauf si c'est sur base de connaissances et d'une preuve venant d'Allah, et qu'il prenne garde d'exclure de l'islam un homme uniquement sur base de sa propre conception et de sa propre évaluation, car le fait de bannir un homme de l'islam ou l'y faire entrer est la plus sérieuse des affaires de la religion. Et nous avons déjà suffisamment expliqué à ce sujet, ainsi que d'autres, et d'ailleurs son statut est le plus évident des statuts de la religion. Il nous est donc obligatoire de se conformer strictement au Coran et à la Sunna et de renoncer à toute innovation. Comme le disait Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, conformez-vous et n'innovez pas, ce que vous avez vous suffit. Cette règle est élémentaire. Elle revient au fondement de la Sunna qui est l'obligation de se conformer strictement à la Sunna du prophète. Ainsi, lorsqu'on accuse un homme d'être sorti de l'islam, cela doit être sur base de preuves du Coran et de la Sunna déduite selon la procédure des salafs salih. Et quiconque se base sur quoi que ce soit d'autre que cela est un innovateur égaré. Ainsi, celui qui applique le tekfir sur une personne ou un groupe de gens sans apporter la preuve que les salafs appliquaient le tekfir d'après ce procédé, tu sauras que c'est un égaré. Les conditions pour confirmer l'acte d'une personne responsable. Que le crime soit confirmé par une procédure correcte basée sur la certitude, contrairement aux soupçons, probabilités, incertitudes, mensonges, etc. Et ceci se confirme soit par l'aveu du coupable, le témoignage d'une personne fiable. Si une personne est accusée d'avoir commis une apostasie, mais que l'accusation provient d'une personne connue pour mentir, ou inconnue, ou que cela n'est qu'une rumeur, ou que c'est non confirmé ou autre, il n'y a pas d'apostasie. Définition simplifiée. Est un apostat toute personne consciente et responsable de ses actes et libre, qui commet un acte ou prononce une parole que les textes divins authentiques ont clairement désigné comme une cause de sortie de l'islam. Point à retenir. Celui qui commet un acte d'apostasie sans faire exprès n'est pas apostat. Il y a une différence entre ne pas faire exprès de faire quelque chose et faire exprès de la faire en ignorant que cela provoque l'apostasie. Celui qui prononce une parole dont il ignore la signification ou commet un acte dont il ignore la signification ne devient pas apostat, car il n'a pas fait exprès de faire ce qu'il a fait. Celui qui est contraint de faire une apostasie n'est pas jugé apostat. Celui qui commet un acte d'apostasie exprès sans y être contraint, il est apostat. Les empêchements d'apostasie. Dans le droit islamique, l'empêchement en arabe, al-mani', est une caractéristique précise dont la présence empêche la présence du verdict, mais dont l'absence ne cause ni la présence ni l'absence du verdict. En d'autres termes, le verdict dépend de l'absence de tout empêchement. La contrainte, par exemple, est un empêchement d'apostasie. Lorsque la contrainte est présente, cela empêche la présence d'apostasie. Mais lorsque la contrainte est absente, cela ne cause pas forcément l'apostasie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas sous la contrainte qu'elle est forcément en train de commettre un acte d'apostasie. Règle. Les empêchements sont les opposés des conditions. Lorsque toutes les conditions sont réunies, cela implique fatalement qu'il n'existe aucun empêchement. Et lorsqu'un empêchement est présent, cela indique fatalement qu'une condition est manquante. C'est pourquoi les empêchements, tout comme les conditions, sont répartis en trois catégories. Premièrement, les empêchements relatifs à l'individu. Deuxièmement, les empêchements relatifs à l'acte de l'individu. Troisièmement, les empêchements relatifs à la confirmation de l'acte de l'individu. Les empêchements relatifs à l'individu, qu'il soit responsable, fou, inconscient, enfant, etc. Qu'il n'ait pas fait exprès, l'erreur, l'incompréhension, la signification de ses propos, l'ignorance, etc. Qu'il soit contraint, sous menace de mort ou sous la torture ou autre. Ces empêchements se résument en quatre empêchements. Le premier, l'ignorance. Le deuxième, la mauvaise compréhension. Trois, l'erreur. 4. La contrainte. Les empêchements relatifs à l'acte. La confusion de la situation. Un acte pas clair, pas net, pas précis. L'absence de preuves nettes et précises indiquant que l'acte est une cause d'apostasie. Hadith faible ou authentique mais imprécis dans son indication. Les empêchements relatifs à la confirmation du verdict. L'absence de preuves indiquant que l'individu ait commis une cause d'apostasie. L'absence de témoins ou d'aveux de la personne. Les points à retenir. Les empêchements sont l'opposé des conditions. Lorsque toutes les conditions sont là, c'est qu'il ne reste aucun empêchement. Et s'il y a un empêchement, c'est qu'il manque une condition forcément.